creuse dans une usine et j'empile des cartons. Toute la journée, je bosse dans une usine et j'empile des cartons. Toute la journée, je bosse dans une usine et j'empile des cartons. Toute la journée, je bosse dans une usine, mon patron est un con. Mais moi ce que je veux, c'est partir avec toi. Oui, moi ce que je veux, c'est partir tous les deux. Je bosse dans une usine et j'empile des cartons. Toute la journée, je bosse dans une usine et j'empile des cartons. Toute la journée, je bosse dans une usine et j'empile des cartons. Toute la journée, je bosse dans une usine, mais j'ai des rêves quand même. Emmener ma femme au McDo, mes gosses à Alligator, m'acheter une poule au GTI pour me la péter à mort. Aller voir les amours et rencontrer Tex en vrai, serrer la main à Drucker, branler sur son canapé, offrir une piscine à Boudin, des vacances en Tunisie et l'intégrale de Johnny. Thank you.